Exercice 3, page 167. A. Bras, barre. B. Trait, terre. C. Tri, tire. D. Pli, pile. E. Plaie, pelle. F. Plat, pâle.